30 fois plus. En 2020, il y a eu 30 fois plus de consultations médicales à distance. Et notre rôle, au Crédit Agricole, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans cette évolution, avec la solution simple et sécurisée de e-paiement par SMS de notre partenaire PayMed. Vous pratiquez la télémédecine, passez au télépaiement. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Service distribué par PayMed, détails et conditions sur paymed.pro. France Culture, la nuit des dictionnaires. Depuis minuit, nous célébrons les dictionnaires de toutes sortes. Nous avons reçu Sylvie Andreux et Jean Pruvot pour parler de Larousse, le bicentenaire de Pierre Larousse. Et puis nous avons parlé aussi, nous avons pu entendre des archives, belles lettres de l'utilité des dictionnaires avec Robert Mallet. Et puis quelques décraqués pour un dictionnaire différent de tous les autres autour de Bertrand Jérôme et Françoise Tressard. Un tire-talangue consacré par Olivier Germain-Thomas qui recevait François Caradec et Jacques Sellard à l'argot. Nous avons aussi reçu Jérôme Robert venu parler du livre qu'il a écrit sur son grand-père, Paul Robert, le Robert. Puis un autre tire-talangue, Quoi de neuf chez Gaffiot par Simone Dweck. Nous avons aussi reçu Alain Pozzuoli venu nous parler de son dictionnaire insolite de l'Irlande, publié chez Cosmopol, et d'autres émissions, d'autres décraqués, un lieu de mémoire consacré à l'instant au Petit Larousse, et donc Gilles Lapouge, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, eh bien, écoutez, c'est pas très très étonnant. Je crois que les lecteurs et vos auditeurs qui vous ont suivi de longues années sur France Culture savent à quel point le dictionnaire amoureux du Brésil est bienvenu, puisque de toute façon, le Brésil, c'est quasiment votre pays, un pays que vous avez donc voulu célébrer dans un dictionnaire, dans la fameuse collection Dictionnaire amoureux chez Plon. Ce continent lointain, cette terre violette, noire, jaune ou blanche, un pays gentil, malin, extrêmement intelligent, je vous cite, mais aussi rusé et même un peu menteur. Un peu menteur et un petit peu sauvage aussi, un petit peu violent. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait l'intérêt du Brésil, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui sont très très gentils. Vous leur demandez même dans les villes les plus nombreuses, les plus difficiles, ils s'arrêtent, ils vous donnent leur enseignement. Parfois, ils vous conduisent sur un kilomètre pour vous mettre dans le droit chemin. Et j'ai l'impression que ce sont les mêmes gens qui peuvent le soir vous assassiner. Vous détruisez. Ce qui n'a pas été votre cas quand vous y êtes allé. Pour l'instant, je m'en tire, mais tout de même une fois, j'étais sur la plage à Copacabana après 6 heures du soir. Et des gendarmes sont venus me dire, il faut pas rester là, vous êtes obligé de quitter la plage parce que c'est trop dangereux. En tout cas, en 1951, lors de votre premier séjour au Brésil, oui, vous n'avez pas eu de soucis. Au contraire, vous êtes tombé amoureux. Pas du tout, j'étais amoureux. Mais le Brésil était tellement différent. C'est vieux de 66 ans quand même, mon premier contact avec le Brésil. Donc, il y a 2-3 générations qui se sont succédées et des crises en amplifié. Il y a eu les crises permanentes, c'est-à-dire de la pauvreté, ça c'est depuis l'origine, et après il y a eu le temps des généraux, qui a été beaucoup moins violent, beaucoup moins terrible que le Chili ou que l'Uruguay ou que l'Argentine, mais qui a été quand même tout à fait féroce. Après quoi, ils élisent un nouveau président de la République et celui-ci meurt la veille, je crois, de son de sa mise en travail, et etc. Et puis le miracle Lula est le miracle qui, comme beaucoup de miracles d'ailleurs, a complètement échoué, puisque on s'est aperçu après la fin de Lula qu'il y avait des choses pas du tout convenables chez Lula. Et la successeur, je sais pas comment on dit, voilà un problème linguistique compliqué. Oui, pour les dictionnaires. Ah, c'est successeur, comment on dit? Successeureux. Vous croyez? Oui. Ah bon? Alors, la successeur d'Ilma, qui était le poulain, la poulaine de... Alors là, je vous dirais pas la pouliche, non, c'est pas ça. La pouliche de Lula et qui a complètement raté son coup. Ouais. Et donc, la réaction, disons, est revenue et on en est là. Mais en tout cas, Gilles Lapouche, ce dictionnaire amoureux du Brésil n'est pas le dictionnaire, enfin l'histoire du Brésil des 50 ou 66 dernières années. Encore que, d'ailleurs, votre mémoire, lorsque vous arrivez en 1951, votre mémoire remonte beaucoup plus haut qu'à ce... Puisque c'est, vous parlez même de la terre, de la vraie croix. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est un livre d'histoire aussi. Je pense qu'un dictionnaire doit tenir compte de tous les espaces et de tous les temps réunis. Donc, évidemment, c'est un dictionnaire philosophique, historique, philosophique aussi un petit peu. Et on est bien obligé de revenir au début parce que, au début, et puis les années qui ont suivi, c'est-à-dire, pendant trois siècles à peu près, c'est une colonie du Portugal. Et ça, c'est capital dans le développement ou dans l'absence de développement du Brésil. Et il y a une chose qu'on ignore, c'est que le Portugal trouve un tas de choses à cette époque, c'est le 16e siècle. Et ce petit pays minuscule trouve l'Inde, ce qui était pas mal, et le Brésil, évidemment, et puis beaucoup d'autres, hein, en Afrique, ils sont partout. Donc, ils peuvent pas faire face à tout. Et en plus, ils sont fascinés par l'Inde. Pas du tout par le Brésil. Pas du tout. Ça ne les intéresse pas. Pourtant, il y a beaucoup de richesses. Oui, mais ils savent pas. Ce qui les impressionnait en Inde, c'est d'abord les richesses, mais surtout la richesse culturelle qui était géante comme elle l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire, ils avaient inventé le chiffre zéro, c'était le plus grand mathématicien. Il y avait les Maharajas, il y avait la beauté, enfin, etc. Et la culture très fine. Le Brésil, il y avait rien. Il y avait des bandes d'Indiens qui couraient dans la forêt. Donc, ils ont un peu méprisé le Brésil, puis ils savaient pas quoi en faire. C'était tellement énorme qu'ils avaient déjà l'Inde sur les bras, une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie. Ils savaient plus. Donc, ils sont pas intéressés du tout au Brésil au départ. Et même le Brésil était un petit peu entaché. Par exemple, un jeune homme de 18 ans, de 20 ans, portugais, eh bien, il n'allait pas au Brésil. Il allait en Inde. Il essayait d'aller en Inde. Donc c'est quand même de seconde qualité ce qui arrive au Brésil, d'une part, et d'autre part, le contrat de colonisation était féroce, puisque le Brésil, ce nouveau pays, le Brésil n'avait pas le droit de faire la moindre industrie, pas d'imprimerie par exemple, pas du tout. Si bien que quand, il y a quelques années, Chandaigne, qui est le grand éditeur portugais, luso-brésilien disons, a voulu faire une anthologie de la poésie brésilienne depuis le début, eh bien, il y avait une case vide, c'était trois siècles vides. Pour la remplir, cette case, il a été obligé de chercher soit des livres écrits par des Brésiliens, mais publiés à Lisbonne, soit des manuscrits, des poèmes, des manuscrits que les aristocrates écrivaient et conservaient dans leur bibliothèque. Alors vous, Gilles Lapouge, vous arrivez tout de suite sur la littérature brésilienne, mais il y a aussi de nombreuses entrées, enfin des centaines d'entrées, peut-être pas centaines d'entrées, non, mais pour ce dictionnaire. Vous avez travaillé par ordre alphabétique, puisqu'on est dans la nuit des dictionnaires. Oui, vous avez par ordre alphabétique, mais... Que pourrais-je trouver pour la lettre A? Alors vous trouvez abeille. Abeille, oui, abeille, parce que ça a été très important, les abeilles, c'est encore important d'ailleurs. C'est en 50, oui, dans les années 18. En 56, vous dites que le Brésil achète des abeilles africaines. Alors ça change tout. Elles ont des mentalités de déportées. C'est-à-dire qu'elles deviennent extrêmement agressives, méchantes, et alors qu'en Mozambique ou dans les pays où on les a prises, elles sont plutôt normales, elles sont pacifiques. Le fait de ne plus connaître leurs copains, leurs copines, etc., ça les rend folles et elles deviennent abeilles tueuses. Et ces abeilles tueuses, elles s'échappent des ruches dans lesquelles on les avait mises au Brésil, à São Paulo, et elles commencent à massacrer les vraies abeilles, les autres abeilles. Donc il y a eu un problème dramatique. Elles sont remontées comme ça jusqu'au Mexique. Et là, la traversée des déserts leur a été dommageable, semble-t-il. Mais j'ai vu, c'était je ne sais pas en quelle année, il n'y a pas tellement longtemps, c'était en 80 peut-être, en 1980, j'ai vu un endroit et on m'a dit, voilà, je faisais... une balade en pirogue, on m'a dit, là, il y a un type qui a été mangé par les abeilles africaines la semaine dernière. Alors vous, Gilles Lapouche, quand vous êtes arrivé donc en 1951, vous n'êtes pas devenu un homme méchant parce qu'on vous avait transporté de la vieille Europe au Brésil. C'est, oui. C'est Brodel, rien que ça, qui vous avait envoyé. C'est Brodel que je connaissais pas, qui me connaissait pas non plus, et il m'a pas envoyé. Il a été le passeur, mais en tout cas pas involontaire parce qu'il a bien travaillé. Mais j'ai appris comme ça. J'étais à Paris, je faisais pas grand chose, j'étais tout jeune en plus. Je n'avais pas de passé non plus. Et un de mes copains me dit, tu sais, il paraît qu'il y a un professeur d'histoire, je ne le connaissais pas, même son nom, je ne le connaissais pas, qui s'appelle Fernand Brodel, il n'était pas connu comme aujourd'hui, et qui cherche un journaliste bon en économie pour aller au Brésil et travailler dans un grand journal. Alors je dis, oui, moi je connais un petit peu l'économie, plus ou moins, mais enfin, ça va s'améliorer, je crois. Le portugais, je connais pas du tout, mais ça... Ça s'apprend très vite. Bon, ben d'accord. Ne doutez de rien. Et puis, Brodel m'a fait faire, il m'a vu, il était gentil avec moi, il m'a fait faire un devoir de 20 pages sur le poule charbon acier, qui était l'ancêtre de l'Europe actuelle. Et il a trouvé que c'était bien, et je suis parti un mois plus tard. Mais sans avoir compris ce qui m'arrivait. Et puis en plus, vous êtes arrivé donc dans ce pays pour écrire dans un journal et tenir une rubrique importante sur l'économie. L'économie à laquelle vous ne connaissiez rien. Je ne connaissais rien, il ne faut pas exagérer, mais un tout petit peu, pas plus qu'un tout petit peu. Et en plus, c'était curieux parce que le directeur de ce journal, qui était un grand personnage, un grand aristocrate brésilien, il m'a dit, alors vous ferez un article économique tous les jours pour le journal, et puis j'ai un fils qui a le même âge que vous, qui est nul en économie, alors j'aimerais que vous le voyiez tous les jours pour lui donner des leçons d'économie. Alors j'avais le que sais-je, et on a fait ensemble le que sais-je. Ça a marché parce que ce garçon qui avait mon âge est devenu l'héritier, a pris le journal en main, et ça, c'est bien marché. Et vous y travaillez encore dans ce journal? Non, maintenant, alors, non, il est mort d'ailleurs, mais ils ont été, enfin, tous ces gens-là qui étaient des grands propriétaires, et non pas seulement actionnaires, c'est les propriétaires, ils ont été balayés par la crise, et ce sont des banquiers qui ont repris le journal, et il me laisse tranquille, je suis toujours là. Vous êtes toujours là, Gilles Lapouche, parce que vous dites que vous n'avez jamais quitté le Brésil. En tout cas, vous continuez à travailler pour la presse brésilienne. Je me demande, puisque il y a ce dictionnaire amoureux du Brésil, il est nourri de vos très très nombreux séjours, de vos études sur l'histoire, sur la géographie, sur la politique, sur la vie très quotidienne du Brésil. Et c'est pour ça qu'il est tout à fait passionnant. Mais est-ce que vous écoutez depuis la France? Est-ce que vous écoutez le Brésil par la radio? Par la radio, non. Par le téléphone, je téléphone mon journal souvent. Ou eux me téléphonent souvent pour le travail quotidien. Mais donc je les connais et je les vois quand je vais là-bas. Et ils m'écrivent, ils me passent des mails aussi, pas seulement sur le travail. Enfin, alors donc j'ai quand même des échos du Brésil. Mais on peut pas écouter une radio brésilienne depuis Paris, la France. On peut écouter une radio brésilienne probablement, mais je. Vous n'avez pas cette curiosité d'aller ou sur Internet désormais. Je lis mes articles par Internet, ça oui. Ah oui, vous les envoyez par Internet. Mais je les lis aussi, le retour une fois traduit. Les voix brésiliennes. Ah, les voix brésiliennes, oui, mais j'en entends, mais pas nécessairement celle de mon journal. Est-ce qu'il y a une entrée sur voix Non, il n'y a pas. Il y a pas une entrée. J'ai fait une entrée sur la musique, je ne sais pas sous quelle rubrique, qui est modeste, mais qui est bien, je crois, parce que je suis pas un grand mélomane, donc j'ai travaillé beaucoup. Oui, mais vous n'avez pas besoin d'être un grand mélomane pour donner envie d'entendre bien sûr, bien sûr, et puis il y a les choses que tout le monde connaît, et puis l'histoire aussi, l'histoire de ces chanteurs, je me suis un petit peu penché là-dessus, qui est passionnante, parce que celui qui a écrit La jeune fille d'Ipanema, Ipanema étant une plage de Rio, il écrit ça, et on le met, je ne sais pas sur quel support, et Il est avec ses copains quelques jours plus tard, à une terrasse, sur une terrasse du côté de Copacabana ou d'Ipanema d'ailleurs. Et on lui dit, un monsieur qui vous appelle de, d'où? De, je sais pas, d'Amérique, des États-Unis plutôt. Et alors il dit, ben oui, allô, c'est, oui, c'est moi. C'est Frank Sinatra qui voudrait vous parler. Alors il prend et il dit, ah oui, c'est vous qui avez écrit une jeune fille d'Ipanema. Ben, c'est fabuleux. Et il a pris ça, il l'a acheté sur le champ. On lit à travers toutes ces entrées de ce dictionnaire amoureux du Brésil, Gilles Lapouge, on lit des histoires totalement romanesques. Enfin, on comprend que vous n'êtes pas seulement un fabricant de dictionnaires, un voyageur, ça qui note tout, mais que ce que vous aimez, c'est tous les petits romans qui se trouvent dans chaque état, dans chaque ville, dans chaque rencontre avec les Brésiliennes et puis les Brésiliens. Il y a une entrée aussi sur les peaux du Brésil. Et il y a 136 couleurs de peau. C'est invraisemblable. Et ça, c'est officiel. C'est une étude qui a été faite par les pouvoirs publics. C'est-à-dire, ils ont demandé à chaque personne quelle était la couleur de sa peau. Et on a trouvé 136. Mais quel intérêt? Quel est l'intérêt? Parce que le problème raciste, racial est capital au Brésil. Il est camouflé. Et les gens qui ont fait ça ont été très bien, parce que ça a été une manière de montrer que ce problème se posait. Et il est complètement camouflé. Et si on regarde de près cette classification des 136 peaux, on est stupéfait. Par exemple, il y a une douzaine de peaux noires. Il y a gris, noir, noir-noir. Noir bronzé, etc., etc. Pour les blancs, c'est pareil. Il y a branco, bien blanc, etc., etc. Il y a polac, par exemple. Polac, ça veut dire polonais. Eh bien, il y a une peau qui vient de la Pologne, etc., etc. Et vous avez aussi cette rubrique formidable, peau en voie de devenir blanche. Il n'y a pas en voie de devenir noir, par contre, mais en voie de devenir blanche, ça existe. Donc, ça y est, vous avancez, bientôt vous serez un homme normal. Mais vous pensez que c'est parce que nous, l'idée qu'on a comme ça depuis la France, c'est que c'est un pays justement où toutes les couleurs s'en vivent harmonieusement. Totalement, ensemble, mais c'est pour non ça que. C'est, oui ou non, finalement. Oui, c'est tout à fait comme ça. Ah bon? Effectivement. Et puis. Ils le disent eux-mêmes, donc on peut le redire, il n'y en a pas un qui n'ait pas du sang noir. Il n'y en a pas un. Même les plus blancs, paraît-il, ils ont, d'une certaine manière, du sang noir. Mais, alors, le racisme de rue n'existe pas. Ils sont copains, il n'y a pas ce qui se passe en Amérique ou ailleurs, pas du tout. Et c'est pour ça que Stéphane Zweig, quand il va au Brésil, dit, il avait l'habitude de... Vous pensez qu'il est un peu naïf? Ah ben, il a été grotesque, là, il n'a rien compris, quoi. Et le pauvre, il était fatigué, et il va bientôt se suicider d'ailleurs. Pas à cause de ça, encore que les Brésiliens qui aiment beaucoup se moquer d'eux-mêmes disent, oh ben, il s'est suicidé parce que, il avait écrit avant de venir au Brésil un livre qui s'appelait Brésil, pays de l'avenir, et puis il a vu ce que c'était. Vous parlez aussi du péché de chair, Gilles Lapouge. Ah oui, ça c'était bien. Ils avaient trouvé un bon truc. C'est que le péché de chair disparaissait, n'existait plus à partir du moment où on franchissait l'équateur. Et alors là, il y a des théologiens qui se sont penchés sur la question et qui ont dit, en effet, d'après la Bible, enfin tous les documents les plus sérieux de l'Église, le péché de chair n'existe plus. Évidemment, ça a donné des résultats extrêmement joyeux au Brésil. Et en plus, c'était quand même une visée plutôt, du pouvoir portugais. C'est-à-dire, le problème du Portugal, c'est que ce pays, il ne savait pas qu'en faire d'une part, et il n'avait personne pour le traiter, pour l'exploiter. Donc, il fallait absolument, d'une part, envoyer des colons, mais les colons, ils travaillent pas, les colons. Et d'autre part, chercher des esclaves, mais surtout, faire des enfants. L'esclavagisme a duré très très longtemps, jusqu'à la fin du 19e. Oui, alors, la prime qu'on offrait en somme aux petits jeunes gens portugais qui acceptaient d'aller faire le service militaire au Brésil et non pas en Inde ou ailleurs, c'était qu'au Brésil, ils pouvaient faire l'amour tant qu'ils voulaient. Et ils partaient uniquement pour ça, les types. Alors, vous avez tous les ingrédients pour un explosif érotique prodigieux. C'est-à-dire, ça n'est plus un péché, vous rendez service à la patrie, etc. Vous peuplez la colonie. Vous peuplez, et c'est pour ça que, dès le départ, tout est mélangé. Après, vous avez encore des phénomènes secondaires qui sont intéressants, c'est que les colons, les grands colons, qui sont des gens peu intéressants et richissimes, et qui exploitent d'une façon éhontée, parce que l'esclavage a été honteux là-bas, comme partout, mais peut-être plus. Ces colons, ils avaient leur maîtresse, qui avait une petite cabane dans leur propriété, où les femmes légitimes le savaient. Bon, donc ils avaient une maîtresse qui était une très belle esclave. Ils allaient à Bahia, ils allaient au marché aux esclaves, ils prenaient la plus jolie. Donc il y avait cette esclave à qui ils faisaient un enfant, des enfants. Et qu'ils instruisaient, ces enfants-là étaient instruits, les enfants des esclaves, qu'ils avaient ça, avec les esclaves. À cause de ça. Alors que leurs propres enfants, leurs enfants de la femme. Ils auront tout. Légitimes, non. Ils auront les enfants légitimes, ils auront l'argent, une immense propriété, le respect, etc. Donc pas besoin de savoir lire, d'être instruit. Alors ces types qui sont, ils avaient quand même un petit bout d'âme, pas beaucoup, mais un petit bout d'âme, qui leur permettait, qui les obligeait à dire, mais mes enfants, un peu noirs, un peu bronzés, eux, ils n'auront pas d'argent, ils n'auront pas... Donc il faut qu'ils deviennent intelligents. Et on les forçait à l'école pour réussir. Et c'est pourquoi vous avez, si vous voulez, culturellement, vous avez une couche supérieure dans laquelle il y a évidemment des gens très évolués, mais aussi des gens plus ou moins brillants. Les pauvres, les plus noirs, sont vraiment au bas de la société et ils ne peuvent presque pas en sortir. Et entre, vous avez la société des métis qui est le vrai moteur du Brésil, et c'est là que vous avez tous les grands intellectuels. Machado de Assis, par exemple, était... Machado de Assis, Jorge Amado, tous ces... Machado de Assis davantage encore, mais Jorge Amado est un métis aussi, etc. Et ils s'en vantent, enfin, ils ne craignent pas de le dire. Alors, puisqu'on est dans la littérature, là, avec Amado, Machado d'Assis, on peut aussi parler d'une de vos entrées du dictionnaire amoureux du Brésil, Gilles Lapouche, c'est Proust dans les favelas. Oui, ça c'est assez rigolo. Un amour de Swann, en tout cas. Un amour de Swann, oui. Je connaissais un garçon qui a mis en bande dessinée. Stéphane Huet. Stéphane Huet, oui, qui est un breton remarquable. C'était un enseigne de navire. Peintre de maritime. Maritime, oui. Peintre de la marine. Il est blessé à Djibouti par un accident de marine, quoi. Et il est immobile pendant un mois, deux mois dans sa chambre. Donc il s'ennuie, il lit Proust pour la première fois. Il trouve ça génial. Et comme il savait dessiner, il dit « je vais dessiner Proust ». Bon, ça c'est l'origine de cet album de Proust. Et j'ai appris là-bas que dans les favelles, il y a des petites écoles quand même, évidemment. Et il y avait une de ces favelles dans laquelle la maîtresse, pour les petits de 10 ans, de 12 ans, de 14 ans, avait donné comme lecture Proust, traduit, parce que ça a été traduit partout, et en particulier en portugais, au Brésil. Et c'est... Alors j'ai vu les petits-enfants qui lisaient Proust. Et c'était prodigieux, parce que entre le monde de Proust et le monde de la favelle, il y a vraiment... C'est la lune et la terre, enfin, c'est invraisemblable. Et il me parlait de ça, il me disait, oh, à quel signor à Verdurin est muito bonito, non, à signor. Si. Mas, quel homme qui me paraît un poco viado? Viado, ça veut dire homosexuel dans un sens péjoratif. Donc, il parlait de Proust, mais d'une façon invraisemblable, évidemment. Odette de Crécy aussi est jugée. Tu te cocottes, donc, oui. Dans les favelas, on est un peu plus... Même les paysages, la ville, c'est-à-dire le bois de Boulogne, ça, rien de comparable. Je ne pouvais pas leur dire ça ressemble à ça, c'était pas possible. Il y a tout au Brésil, en tout cas, il y a tout dans votre dictionnaire, merveilleux Dictionnaire amoureux du Brésil, publié chez Plon, Gilles Lapouge. On a cité 3 ou 4 ou 5 entrées de ce dictionnaire, mais il y en a tant et tant, et ça donne tellement envie, peut-être pas d'aller au Brésil, peu importe, mais en tout cas de rester là, tranquillement chez soi, et de le lire, qu'on ne peut que vous en remercier. Merci Gilles Lapouche d'être passé pour cette nuit des dictionnaires qui se poursuit avec une question finalement. Faut-il brûler les dictionnaires? Et vous donnez quoi comme réponse? Ah bah vous allez écouter, c'est Roger Pilledin qui recevait Paul Robert, donc et Bernard Potier en 1976. Très bien. A, B, C, D, E, F, G, je sais que tout va changer. H, I, J, K, L, M, N, là où le courant te mène. O, P, Q, R, S, T, U, plus tard que deviendras-tu? V, W, X, Y, Z, quand tu ouvriras tes ailes.